بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل الآن في سورة الانفطار في المسألة 16 بعد 200 216 مسألة. في قوله تعالى: عدمت نفس ما قدمت وأخرت. ضرب بعض الضرادة للصنص والدي كل ينام سورة سكلا accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Verset 5. قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت، كقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إلى غير ذلك من الآيات. Donc ce noble verset laisse croire dans son apparent que celui qui connaîtra ce qu'il a fait auparavant et ce qu'il a remis à plus tard n'est qu'une seule âme, comme dans le verset Nefsun, une seule âme. Et d'autres versets sont venus qui montrent que toutes les âmes seront ce qu'elles ont commis comme acte et ce qu'elles ont décidé de remettre à plus tard. Dans la parole, dans le sens où elle a dit, et de là, chaque âme sera éprouvée pour les conséquences de ce qu'elle a accompli. Surat Yunus, verset 30. Et il dit également, dans le sens, Azawajel, et chaque homme, nous lui attribuerons ou nous lui avons attaché son œuvre qu'il trouvera déroulée, que nous sortirons déroulée le jour de la résurrection. Il y a un livre qu'il trouvera déroulé, dans le sens. Ali Salah, le voyage nocturne, verset 13. Et autres parmi les versets. Donc, ce verset-là cite que toutes les âmes le sauront et que chaque homme aura. Justement, on lui sera attaché à son cou un livre qui lui sera déployé au Yawm al-Qiyamah. فقال الجواب أن المراد بقوله نفس كل نفس ونكرة وإن كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كما تكرر في الأصول، فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرنة السياق من غير نفي أو شرط أو امتنان، كقوله تعالى وعلمت نفس في التكوير والانفطار، وقوله أن تبصل نفس، وقوله أن تقول نفس يا حسرة والعلم عند الله تعالى. Donc tout simplement que le sens voulu par une âme là c'est toutes les âmes en fait, toute âme. Et là une chose indéfinie à la base, c'est une chose indéfinie à un sens de généralité. Lorsqu'elle est citée dans une phrase négative ou alors dans une phrase comportant une condition et autre, comme sur les condamnés dans la sens des usul. Et il dit que malgré cela, que ce sont des choses connues, il se peut que malgré tout, une chose indéfinie, dans autre que ces connotations de phrase, puisse également avoir un sens de généralité, comme c'est le cas là, dans ce verset-là par exemple, ou dans d'autres. Dans le sens où Allah a dit, soit Al-An'am, verset 70, qu'une âme ne s'expose à sa perte. Un école Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe de cela qu'une âme ne s'expose à sa perte. Et on sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour tout le monde, pour tous les hommes. Wa kazalik, dans le sens où Allah a dit, le jour où une âme dira ô pauvre de moi. Et là on sait qu'il s'agit des âmes de tous les gens qui auront été mécréants ou qui auront désobéi à Allah azawajal qui diront cela. Donc cela démontre que malgré tout parfois une chose indéfinie peut avoir un sens de généralité, comme c'est le cas de ce verset-là. « Wal ilmu 'inda Allah ta'ala, wal hamdu lillahi rabbil alamin. »